Psaume 78. Machil d'Azaph. Mon peuple, écoute ma loi, prêtez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en similitude, je manifesterai les choses notables du temps d'autrefois, lesquelles nous avons ouïes et connues, et que nos pères nous ont racontées. Nous ne les scellerons point à leurs enfants, et ils raconteront à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force, et les merveilles qu'il a faites. Car il a établi le témoignage en Jacob, et il a mis la loi en Israël, et il donna charge à nos pères de les faire entendre à leurs enfants, afin que la génération à venir, les enfants, dis-je, qui naîtraient, les connussent, et qu'ils se missent en devoir de les raconter à leurs enfants, et afin qu'ils missent leur confiance en Dieu, et qu'ils n'oubliassent point les exploits du Dieu fort, et qu'ils gardassent ses commandements, et qu'ils ne fussent point comme leur père, une génération revêche et rebelle, une génération qui n'a point soumis son cœur, et l'esprit de laquelle n'a point été fidèle au Dieu fort. Les enfants d'Ephraïm, armés d'entre les archers, ont tourné le dos le jour de la bataille. Ils n'ont point gardé l'alliance de Dieu, et ont refusé de marcher selon sa loi. Et ils ont mis en oubli ses exploits, et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Il a fait des miracles en la présence de leur père au pays d'Égypte, au territoire de Tsoan. Il a fendu la mer, et les a fait passer au travers, et il a fait arrêter les eaux comme un monceau. Et il les a conduits de jour par la nuée, et toute la nuit par une lumière de feu. Il a fendu les rochers au désert, et leur a donné abondamment à boire, comme s'il eût puisé des abîmes. Il a fait, dis-je, sortir des ruisseaux de la roche, et en a fait découler des eaux comme des rivières. Toutefois ils continuèrent à pécher contre lui, irritant le souverain au désert. Et ils tentèrent le Dieu fort dans leur cœur, en demandant de la viande qui flatta leur appétit. Ils parlèrent contre Dieu, disant, « Le Dieu fort nous pourrait-il dresser une table en ce désert ?»« Voilà, » dirent-ils, « il a frappé le rocher, et les eaux en sont découlées, et il en est sorti des torrents abondamment, mais pourrait-il aussi nous donner du pain ?» Apprêterait-il bien de la viande à son peuple? C'est pourquoi l'Éternel les ayant oui, se mit en grande colère, et le feu s'embrasa contre Jacob, et sa colère s'excita contre Israël. Parce qu'il n'avait point cru en Dieu, et ne s'était point confié en sa délivrance. Bien qu'il eût donné commandement aux nuées d'en haut, et qu'il eût ouvert les portes des cieux, et qu'il eût fait pleuvoir la manne sur eux, afin qu'ils en mangeassent, et qu'il leur eût donné le froment des cieux. Tellement que chacun mangeait du pain des puissants. Il leur envoya donc de la viande pour s'en rassasier. Il excita dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa force le vent du Midi. Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et des oiseaux volant en une quantité pareille au sable de la mer. Et il la fit tomber au milieu de leur camp, et autour de leur pavillon. Et ils en mangèrent, et en furent pleinement rassasiés, car il avait accompli leur souhait. Mais ils n'en avaient pas encore perdu l'envie, et leur viande était encore dans leur bouche. Quand la colère de Dieu s'excita contre eux, et qui mit à mort les gras d'entre eux, et abattit les gens d'élite d'Israël. Nonobstant cela, ils péchèrent encore, et n'ajoutèrent point de foi à ces merveilles. C'est pourquoi il consuma soudainement leurs jours, et leurs années promptement. Quand il les mettait à mort, alors ils le recherchaient, ils se repentaient, et ils cherchaient le Dieu fort dès le matin. Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, et que le Dieu fort et souverain, était celui qui les délivrait. Mais ils faisaient beau semblant de leur bouche, et ils lui mentaient de leur langue. Car leur cœur n'était point droit envers lui, et ils ne furent point fidèles en son alliance. Toutefois, comme il est pitoyable, il pardonna leur iniquité, tellement qu'il ne les détruisit point, mais il apaisa souvent sa colère, et n'émut point toute sa fureur. Et il se souvint qu'il n'était que chair, qu'un vent qui passe, et qui ne revient point. Combien de fois l'ont-ils irrité au désert, et combien de fois l'ont-ils ennuyé dans ce lieu inhabitable? Car coup sur coup ils tentaient le Dieu fort, et bornaient le Saint d'Israël. Ils ne se sont point souvenus de sa main, ni du jour qu'il les avait délivrés de la main de celui qui les affligeait. Ils ne se sont point souvenus de celui qui avait fait ses signes en Égypte, et ses miracles au territoire de Tsoan, et qui avait changé en sang leurs rivières et leurs ruisseaux, afin qu'ils n'en puissent point boire. Et qui avait envoyé contre eux une mêlée de bêtes qui les mangèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Et qui avait donné leurs fruits aux vermisseaux, et leur travail aux sauterelles. qui avait détruit leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par les orages, et qui avait livré leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux aux foudres étincelantes, qui avait envoyé sur eux l'ardeur de sa colère, grande colère, indignation et détresse, qui sont un envoi de messagers de maux, qui avait dressé le chemin à sa colère, et n'avait point retiré leur âme de la mort, et qui avait livré leur bétail à la mortalité, et qui avait frappé tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les temps de Shem, qui avait fait partir son peuple comme des brebis, et qui l'avait mené par le désert comme un troupeau, et qui les avait conduits sûrement, et sans qu'ils eussent aucune frayeur, là où la mer couvrit leurs ennemis, et qui les avait introduits en la contrée de sa sainteté, savoir, en cette montagne que sa droite a conquise, et qui avait chassé de devant eux les nations qu'il leur a fait tomber en lot d'héritage, et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les temps de ces nations. Mais ils ont tenté et irrité le Dieu souverain, et n'ont point gardé ses témoignages. Et ils se sont retirés en arrière, et se sont portés infidèlement, ainsi que leur père, ils se sont renversés comme un arc qui trompe. Et ils l'ont provoqué à la colère par leur haut lieu, et l'ont ému à la jalousie par leurs images taillées. Dieu l'a oui, et s'est mis en grande colère, et il a fort méprisé Israël. Et il a abandonné le pavillon de Silo, le tabernacle où il habitait entre les hommes. Et il a livré en captivité, sa force et son ornement entre les mains de l'ennemi. Et il a livré son peuple à l'épée, et s'est mis en grande colère contre son héritage. Le feu a consumé leurs gens d'élite, et leurs vierges n'ont point été louées. Leurs sacrificateurs sont tombés par l'épée, et leurs veuves ne les ont point pleurées. Puis le Seigneur s'est réveillé, comme un homme qui se serait endormi, et comme un puissant homme qui s'écrie ayant encore le vin dans la tête. Et il a frappé ses adversaires par derrière, et les a mis en opprobre perpétuel. Cependant il a dédaigné le tabernacle de Joseph, et n'a point choisi la tribu d'Éphraïm. Mais il a choisi la tribu de Juda, la montagne de Sion, laquelle il aime. Et il a bâti son sanctuaire, comme des bâtiments haut élevés, et l'a établi comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Et il a choisi David, son serviteur, et l'a pris des parcs des brebis. Il l'a pris, dis-je, d'après les brebis qui allaitent, et l'a amené pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Aussi les a-t-il fait paître selon l'intégrité de son cœur, et les a conduits par la sage direction de ses mains.